Odeur d'alcool dans la vague au vague, fumée de méga. Claque le paco dans le Renault, nouvelle sortie pour méga. Plein phare sur criminel star, schmito, pêche les volets. Comme chaque soir, c'est la guerre enfoirée. Cascade avec le délit d'initié. La mise sortie de pénitence, d'équipe jouant, le maintien à la danse. L'ordre moral connaît pas. Un bon méga pour le moral, des gars, on s'aime comme ça dans le pire état. Red comme soupape du méga. Gyrophare, appel de phare dans le rétro. Vois Saint-Michel, brique rouge, paro et yo-yo. Piche, appuie sur le champi, faut qu'on taille ici presto. À la vitesse d'un regard sur une tonne de lingots. Opération charbon, chaque jour et chaque nuit. Tu sais jamais quand tu pars, faut assurer pour chaque vie. Une fortune par procuration, frisson pour mon écurie. Purification ethnique de Pierre et Marie Curie. Penses-tu qu'une plaque peut m'arrêter pour 10 plaques? Que 10 plaques peuvent enquêter sur mes plaques? Penses-tu qu'une plaque peut m'arrêter pour 10 plaques? À moi seul, je cours comme 10 blacks. Opération charbon, chaque jour et chaque nuit, tu sais jamais quand tu pars, faut assurer pour chaque vie. Opération charbon, je ferai fortune par procuration, un bolide, un pilote à disposition. Opération charbon, je suis le mouton qui devient bélier, je suis le mouton qui devient bélier. Opération charbon, chaque jour et chaque nuit, tu sais jamais quand tu pars, faut assurer pour chaque vie. Cherche pas de fond dans la vie d'un verre, ni dans la mienne, c'est moins vert. Faut que je crache mes trucs dans ce bar, l'enfer dehors chez ma place. Trop vite pour un seul homme, les mains sales, visage balafré par l'arme rouge. Détruit comme l'armée rouge, amer ou béton croqué à pleine dents. Béton pour nada trop pleine dents, on sort on fait les mêmes coups, on se prenne dents. Des barres au barreau, on se met dans les pires états mentaux. Mais on est bien dedans, difficile de faire sans. Faut que l'oseille se manifeste, qu'on pin-up sur gâteau. Faut que je graille et que je pine meuf sur plateau. Donne-moi un bouche-ca, faut que je fasse des francs. J'ai l'idée noire de faire des francs et faire des lingots blanco. Branco, je m'en bats la race de qui tu es. Je suis comme le fils qui a que la fraîche que je peux situer. Je prendrai les risques, l'enfance dorée c'est la vie porcelaine. L'enfance foirée, la haine de coller au mur. Opération charbon, chaque jour et chaque nuit, tu sais jamais quand tu pars, faut assurer pour chaque vie. Opération charbon, je ferai fortune par procuration, un bolide, un pilote à disposition. Opération charbon, je suis le mouton qui devient bélier. Qui devient bélier. Opération charbon, chaque jour et chaque nuit, tu sais jamais quand tu pars, faut assurer pour chaque vie. On vient faire prier tous par nos effractions. On vient faire prier tous par nos effractions. On vient faire prier tous par nos effractions. Opération charbon, je suis le mouton qui devient bélier. Je suis le mouton qui devient bélier. Pas de mea culpa que du couplard. Petit coup dans Boudlard, Goutlard. De faire bénéf sans bouffer Boudlard. On crame les pistes avec mon super gang. On prend la vie comme une banque. Je braque ça et sors de Brinks comme un branque. Des moyens, on en est tous en manque. Mais on se bat pour que ça banque. Si mon équipe est une armée, mon style est un tank. On vient piller Babylone et les riches à Davos. Avec un mic comme Arnold, je crache les bastos. Dans le vif, sur le terrain, je sais qui sont mes assos. Pas d'équipe de bras cassés à la Johnny sans pesos. Écoute, cambriolage, écoute, trafic de rimes. Si t'as des doutes, écoute, on n'est pas nouveau dans le crime. Y'a pas de sans-sens, tu seras servi si tu veux du sans-sas. On fait le taf et part en fumée comme l'encens. Un pour ma descendance, deux pour faire trembler la France. Trois, si tu me bloques, tu connaîtras ma sentence. On vient casser la baraque comme un pavé qui brise la glace. Le style, faut qu'on le brasse avec nos casses et nos crasses.